Jean chapitre 9, les versets 1 à 41, je lis les cinq premiers versets. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans l'histoire racontée au chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, un aveugle de naissance expérimente ce qui se passe quand votre misère rencontre le Messie. Examinons le texte en trois points. 1. La grande question du pourquoi. 2. Un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. 3. Passer de savoir à croire. Alléluia, Alléluia, Alléluia, tu nous as sauvés, par ta mort sur la croix. Vous écoutez Rencontrer Jésus-Christ, croire. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Métanoïa, transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire Métanoïa est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute. Alléluia. La grande question du pourquoi. Face à la souffrance humaine, les disciples de Jésus font ce que nous faisons souvent, c'est-à-dire chercher à comprendre le pourquoi, tout en ayant déjà notre petite idée. En effet, les disciples sont convaincus que l'homme est né aveugle à cause du péché. Leur question est de savoir qui a péché, les parents de l'aveugle ou l'aveugle lui-même. Jésus leur répond, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, verset 3. Les disciples avaient un début de réponse tourné vers le passé et portant sur la cause humaine. La réponse de Jésus, au contraire, est tournée vers l'avenir et elle est axée sur le but de Dieu. Mieux, Jésus ne se contente pas de répondre à un exercice philosophique de ses disciples. Il répond aussi aux besoins physiques et spirituels de l'aveugle de naissance. Car, quelle que soit la cause de ses souffrances, cet homme a besoin de délivrance pour son corps et pour son âme. Nous ressemblons tous à cet homme sans nom. Alors que les gens s'interrogent et dissertent sur les raisons de nos incapacités et handicaps, nous attendons un salut que nous ne pouvons même pas voir venir. Nous sommes tous des aveugles de naissance, impuissant à nous sortir de nos ténèbres. Heureusement, notre salut nous voit et vient à nous. La lumière du monde vient nous éclairer et ouvrir nos yeux. Remarquez comment Jean commence l'histoire de l'aveugle de naissance. Il est écrit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ». L'homme est aveugle et silencieux, il n'a rien demandé. Jésus-Christ vient à lui, il entend les paroles de Jésus-Christ, il obéit. Et le miracle se produit alors et l'homme voit désormais. C'est alors seulement qu'il ouvre la bouche comme un témoin de celui qu'il désigne comme l'homme qu'on appelle Jésus. 2. Un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. L'histoire de l'aveugle de naissance, comme l'histoire de l'humanité entière, est divisée en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et l'œuvre du Seigneur dans la vie de l'aveugle divise ses contemporains en deux groupes. L'impact de sa rencontre avec Christ est si radical que ses voisins et ceux qu'il avait connus se trouvent divisés entre ceux qui croient que c'est bien lui et ceux qui en doutent. Jean 9, versets 8 à 9 dit, « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui posent ensuite des questions au sujet de l'origine de son changement et le conduisent aux pharisiens. Alors que les voisins et connaissances étaient divisés au sujet de l'aveugle miraculé, les pharisiens, eux, sont divisés au sujet de l'auteur du miracle. Mais encore, ils ne veulent même pas croire que l'homme ait été aveugle, parce qu'ils ne veulent pas croire qu'un miracle se soit produit. Jean 9, versets 18 à 23 dit, « Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. » Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Avant Jésus-Christ, l'aveugle de naissance était malheureux mais tranquille dans sa communauté. Après Jésus-Christ, il a le bonheur de ne plus être aveugle, mais de nouveaux problèmes apparaissent. Ces nouvelles souffrances sont causées par l'attachement à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ, lequel avait d'ailleurs averti en Jean 16, les versets 2 à 3, ceux qui le suivaient. Il est écrit « Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Clairement, c'est risqué de reconnaître et suivre Jésus-Christ comme le libérateur. C'est pourquoi les parents reconnaissent que l'homme est leur fils, ils reconnaissent qu'il est né aveugle. C'est tout ce qu'ils veulent savoir et tout ce dont ils veulent rendre témoignage. Parce qu'ils ne veulent pas perdre le privilège de demeurer tranquillement au milieu de ces Juifs qui sont impuissants face à leurs souffrances et insensibles à leur délivrance. Mais le bénéficiaire direct de la délivrance n'a ni peur ni honte de proclamer ce qu'il sait. 3. Passer de savoir à croire. Savoir est une notion importante de l'histoire de l'aveugle de naissance, tout comme dans notre propre histoire. Mais à la fin de son histoire, Jésus introduit une notion hautement plus importante, croire. Nous avons déjà vu comment les parents se limitent à savoir que l'homme est leur fils et qu'il est né aveugle. Ils ne prennent pas le risque de savoir et témoigner que Jésus-Christ est le libérateur de leur fils et le Messie de Dieu. Cependant, l'aveugle miraculé rend hardiment témoignage de ce qu'il sait, même s'il ne sait pas tout. Il rend témoignage de son identité face à ses voisins et connaissances interrogateurs. Il leur dit « C'est moi, Jean 9, 9 ». Il rend témoignage de comment il est guéri. En Jean 9, 11 et 15, il dit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Il rend témoignage également concernant Jésus. En Jean 9, les versets 17 et 31 à 33, il dit « C'est un prophète ». Et puis, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Pour autant, il ne sait pas l'essentiel. Les pharisiens le pressent de donner gloire à Dieu et déclarer que Jésus est un pécheur. Il répond en Jean 9, le verset 25, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Or, la logique des pharisiens était de nier que Jésus est celui au sujet duquel l'ange a annoncé en Matthieu 1, le verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jean 9, 22 nous révèle que les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. L'enjeu de cette conversation est l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu et Messie, ainsi que la foi en lui. Alors le miraculé passe à côté de l'essentiel quand il s'accroche à son expérience de guérison en disant « S'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » En effet, il doit savoir qui est le Fils de Dieu et croire en lui. Quand tout ce qu'il sait et proclame lui vaut d'être chassé de la synagogue, Jésus le retrouve et lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Jean 9, verset 35. Évidemment, il ne sait même pas qui est le Fils de Dieu pour croire en lui, mais il est disposé à recevoir la révélation du Fils de Dieu de la part de celui qui l'a guéri. Il répond donc naturellement « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jean 9, verset 36. Quand Jésus se révèle lui-même comme le Fils de Dieu, l'homme dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Jean 9, verset 38. Ainsi, cet homme n'a pas seulement reçu la guérison de son corps et des persécutions, il a aussi reçu la vie éternelle. Car il est écrit en Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » À la fin de la rencontre avec l'aveugle miraculé, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Une allusion au fait que ceux qui croient au Fils de Dieu reçoivent le pardon de leurs péchés, mais ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui demeurent dans leurs péchés, comme il l'explique aux pharisiens en Jean 9, les versets 39 à 41. Et vous, avez-vous eu cette rencontre qui divise l'histoire de votre vie en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ? Avez-vous cru au Fils de Dieu qui donne la vie éternelle? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous venez d'écouter « Rencontrer Jésus-Christ, croire ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Métanoïa », transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire Métanoïa est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Vivez transformé au nom de Jésus-Christ.